À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, l'Association des travailleurs de Roumanie a inséré le Saint-Coran dans son homepage d'Internet, l'Omunia Muncitoare, l'histoire abrégée de ses activités révolutionnaires.